Bonjour à tous, j'espère que vous avez un petit peu d'énergie pour écouter, pour m'écouter, pour surtout se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais vous convier ce matin à la lecture d'un passage et j'invite Alfonso parce que ce passage est assez long et je sais que Alfonso a des appétences pour la lecture de la parole de Dieu. Alors, on va lire Jean, chapitre 9, les 41 versets de ce chapitre. Jean, chapitre 9. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent: « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle ?» Jésus répondit: « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue sur les yeux. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et les personnes qu'il avait vues mendier auparavant demandaient: « N'est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns affirmaient: « C'est lui. » D'autres soutenaient: « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Lui-même disait: « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent: « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il expliqua: « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue. Il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: « Va à Siloé te laver. » J'y suis allé, je me suis lavé et je vois. Ils l'interrogèrent: « Où est cet homme ?»« Je ne sais pas, » répondit-il. On amène aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, lui demandèrent ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur raconta: « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Quelques pharisiens lui dirent: « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres répliquaient: « Comment un pécheur pourrait-il accomplir de tels signes ?» Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri: « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?»« C'est un prophète, » répondit-il. Cependant, les autorités juives ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant, il avait retrouvé la vue. C'est pourquoi elles convoquèrent ses parents et elles les questionnèrent: « Est-ce bien là votre fils? Affirmez-vous qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Les parents confirmèrent: « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. » Mais comment maintenant il voit, ça, nous ne le savons pas. Et nous ne savons pas non plus qui a ouvert ses yeux. Interrogez-le, il est assez grand pour répondre lui-même. Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, celle-ci s'était déjà mise d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le ». Les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle et ils lui dirent « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils l'interrogèrent « Que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?»« Je vous l'ai déjà dit, » répondit-il, « et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons pas d'où il vient. » Il répliqua « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant, il a ouvert mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne qui l'honore et qui fait sa volonté. On n'a encore jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née aveugle. Si lui ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il alla à sa rencontre et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme ?»« Qui est-il, Seigneur ? » répondit-il, « pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle. » « Je crois, Seigneur, » dit-il, et il se prosterna devant Jésus. Jésus déclara alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Serions-nous donc aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais non, vous dites « nous voyons », donc votre péché demeure. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Alfonso d'avoir fait cette lecture. Et vous comprenez bien que quelquefois, on est obligé de lire complètement des passages, même s'ils sont longs, de manière à recentrer, à recadrer la parole de Dieu dans son contexte. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je pense pouvoir dire que nous nous reconnaissons tous dans cette déclaration. S'il existe une chose, une seule chose à retenir, s'il y a une seule chose pour dire la réalité du salut, c'est de pouvoir affirmer que notre rencontre avec le Christ est ce miracle intérieur qui nous ouvre les yeux, qui nous fait passer de l'obscurité à la lumière de sa grâce. Alors nous le savons, Jésus a accompli beaucoup, beaucoup de guérisons miraculeuses. Il a redressé les pieds du boiteux, il a mis fin à l'immobilité du paralytique, il a rouvert l'oreille des sourds, il a redonné vie à la main desséchée, il a réintégré le lépreux dans la communauté des vivants, il a relevé les morts. Et je pense que nous avons tous compris que les guérisons miraculeuses qui nous sont relatées dans les évangiles ne sont pas que la démonstration de la toute-puissance de Jésus sur le corps. Ces guérisons ne se bornent pas à soigner le corps de celles et ceux qui ont eu la chance de leur vivant de rencontrer Jésus. Ces guérisons sont tout d'abord la description d'une guérison intérieure, d'une restauration de notre humanité abîmée par le péché, d'une réparation de nos facultés dégradées par le péché. Ces guérisons sont toutes de l'ordre d'une recréation de l'être nouveau que nous sommes appelés à devenir en Jésus-Christ. Et nous devons bien garder, gardons bien toujours à l'esprit que par nature, par notre naissance, nous ne savons pas marcher dans les voies de Dieu. Nous sommes boiteux ou paralytiques. Nous sommes sourds à la voix de Dieu. Nous sommes aveugles à la beauté du salut, aux merveilles de la grâce et de la bonté de Dieu. Ces guérisons miraculeuses sont en fait précisément le signe que le royaume de Dieu s'est approché de nous, que la bonne nouvelle est proclamée. Allez rapporter à Jean, dit Jésus aux disciples de Jean-Baptiste, ce que vous entendez et voyez. Des aveugles retrouvent la vue, des boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce qui est intéressant dans ce passage de l'aveugle de naissance, c'est qu'il forme, à mon sens, un tout assez cohérent. C'est le récit d'une transformation. C'est une histoire que l'on peut très très facilement raconter, dans laquelle il y a une introduction, une situation de départ, plutôt sombre, vous conviendrez de cela, et une vraie conclusion, plutôt lumineuse. Une histoire d'ailleurs où Jésus, vous l'avez remarqué, est présent tout au début, d'où il s'absente assez longtemps, pour laisser la place au témoignage, à une parole dite sur lui, une parole en évolution, en construction, une histoire dont la dernière partie, la parole dernière, est laissée à Jésus. Je pense que cette histoire raconte le cheminement de la lumière en nous, de cette compréhension progressive, toujours nouvelle, du Christ dans laquelle nous sommes appelés à progresser. Le livre des Proverbes au chapitre 4 nous dit « Le sentier des justes ou le cheminement des justes est comme la clarté de la lumière qui va croissant jusqu'au plein jour, jusqu'à midi. » Avec cette idée de progression de la lumière vers l'éclat du jour. Ou, si vous préférez, notre cheminement intérieur, c'est de passer de la nuit de Nicodème vers le midi de la rencontre avec la Samaritaine, pour faire le lien avec l'évangile de Jean. Déjà, dès les premiers versets de cet évangile de Jean, l'apôtre va poser les bases du projet de Dieu pour toute l'humanité. En elle se trouvait la vie. Et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. « Moi, dit Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Dans la prophétie d'Ésaïe, qui est reprise par Matthieu, cette lumière était déjà annoncée. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière sur ceux qui vivent au pays des ténèbres. Une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ésaïe 9 et Matthieu 4. Jésus est cette lumière qui vient briller dans mon obscurité, qui vient me guérir de ma cécité, qui vient ouvrir mes yeux sur qui il est, qui vient opérer cette guérison intérieure par la lumière de la vie qu'il m'offre. Et nous sommes tous cet aveugle de naissance. Nos yeux n'ont jamais vu la lumière qui donne la vie. pour la simple et bonne raison que, comme le dit Paul, nous sommes étrangers à la vie de Dieu, notre intelligence est obscurcie à cause de l'ignorance qui est en nous, selon Éphésiens 4. Mais, nous dit le texte, en passant ou en chemin, Jésus vit un homme aveugle de naissance. C'est comme ça que commence cette histoire. C'est comme ça que commence notre histoire. Et nous en avons entendu deux ce matin. Elle commence par le regard de Jésus sur nous, par l'attention toute particulière que Jésus nous porte. Jésus voit celui qui ne voit pas. Jésus voit celui que plus personne ne voit. Celui que les bien-voyants ne voient plus. Jésus ne le voit pas comme les autres le voient, comme un mendiant, mais il le voit tout d'abord comme une personne arrêtée sur le bord du chemin, comme une personne qui a besoin de cette lumière pour éclairer sa vie, une personne que seule la grâce d'un toucher particulier et d'une attention particulière peut guérir et réparer. Pour guérir cet aveugle, Jésus aurait pu se contenter d'un simple revers de sa toute-puissante main ou d'une parole de foi. Il aurait pu restaurer cet homme de mille et une manières. Mais voyez-vous, non, pardon, on ne voit pas toujours bien. Mon impression, pour ne pas dire ma conviction, est qu'il ne s'agit pas que de la guérison d'un seul aveugle, mais de la guérison de plusieurs aveuglements. Celui de cet homme, bien sûr, mais il y a d'abord l'aveuglement des disciples. L'aveuglement des disciples qui cherchent à percer la cause de la situation de cet homme. L'aveuglement des voisins qui ne le voyaient que comme un mendiant, un être diminué. Il y a aussi la cécité des parents, nous l'avons lu, qui, aveuglés par la crainte d'être excommuniés, se désolidarisent de leur fils au lieu de se réjouir avec lui. Et puis, le summum peut-être de tout aveuglement, l'aveuglement de celui qui croit avoir vu, celui des pharisiens, incapables de voir dans la transgression du sabbat le bien que Jésus est prêt à faire à cet homme. Alors, dans un premier temps, il était nécessaire que les disciples comprennent leur propre cécité face à la grâce. Une cécité trahie par cette question, toute respectueuse, emballée du papier cadeau d'une théologie punitive et bon marché. Seigneur, Rabbi, pardon, qui a péché ? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Ou autrement dit, à qui la faute ? À ses parents ou à cet homme ? Et si l'on va plus loin dans ce raisonnement, je pense que cette question pose justement la question des limites de la grâce. Elle interroge la puissance de la grâce. Jusqu'où peut aller l'amour et la grâce de Dieu pour nous ? Existe-t-il dans mon histoire familiale ou dans mon histoire personnelle quelque chose ou quelqu'un qui, par une attitude passée, ferait obstacle à la foi, serait un empêchement à la grâce du pardon et de la guérison de mon âme ? La réponse de Jésus à ce premier aveuglement des disciples est non. Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Et l'œuvre de Dieu, gardons bien le contexte de Jean, et l'œuvre de Dieu dans cet évangile, c'est que nous croyons, c'est la foi. Ce que nous dit très, très clairement Jésus, c'est que dans notre situation, indépendamment du poids du passé et quelle que soit la noirceur de l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons, rien, absolument rien ne peut faire obstacle à la grâce, à l'œuvre de Dieu, à la foi, parce que la lumière du pardon qui a brillé dans ce monde ne peut pas être arrêtée par l'obscurité. Nous l'avons lu. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. l'obscurité n'a pas triomphé. Et nous ne serons jamais et définitivement perdus pour Dieu. Son amour se frayera toujours un chemin. Je voudrais vous raconter l'histoire de David, oh, pas de celui qui a vaincu le géant, mais l'histoire de David. David est né dans une famille chrétienne et David est né avec un très très lourd handicap. Il était autiste et au fur et à mesure qu'il grandissait et que ses parents vieillissaient, il se faisait du mal. Il avait un casque pour le protéger des coups qu'il se donnait. Mais il était né dans une famille chrétienne. Et David, qui pourtant paraissait hermétique à toute expression de sentiment, à toute expression religieuse, eh bien, David, lorsqu'on lui jouait un certain cantique, lorsqu'il entendait un certain cantique, il était apaisé. Et son cœur était apaisé. Il n'y a rien, aucune obscurité qui peut empêcher la grâce de se révéler. Alors, après s'être débarrassé de la culpabilité personnelle, du qui, hein, en mettant plutôt en évidence la raison, le pourquoi en deux mots, hein, le pourquoi en deux mots, le pourquoi de la foi, Jésus poursuit par un comment. Je relis le texte. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive et appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyer ». L'aveugle y alla, se lava et quand il revint, il voyait. L'évangile de Jean est rempli de symboles, rempli de symboles, rempli de sous-entendus d'une très très grande richesse. Et dans la surabondance de sa grâce, dans une grâce qui va toujours au-delà de nous, Jésus ne fait pas que guérir cet homme, il ne fait pas que répondre à son besoin de guérison, il fait de lui une lumière pour les autres. Écoutons ce que dit le texte. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Sous-entendu, et vous avez bien compris comme moi, hein, Jean 8, 12, c'est ce qu'il a dit avant, « Je suis la lumière du monde, il le restera éternellement. » Mais, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Sous-entendu, « Mais lorsque je ne serai plus dans ce monde, vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes mes disciples, c'est à vous mes disciples qui aurez la charge de témoigner de moi d'être à la fois sel et lumière dans ce monde. Alors comment? En faisant de nous une création nouvelle comme au tout premier jour de ce monde. De la boue, faite de terre et de salive, appliquée sur les yeux comme une onction, comme le signe d'une mission, une onction de guérison, pétrie de sa parole pour faire naître mon regard plus haut que moi-même vers les choses d'en haut, par une parole qui me sauve et qui me guérit. Être lavé, se laver dans le bain des eaux tranquilles de Siloé, de l'envoyer. Se laver en allant vers Jésus, qui est l'envoyé de Dieu, noyé dans sa mort, baptisé dans sa résurrection, boire et se laver à cette source qui jaillit jusque dans la vie éternelle, aller pour revenir et voir enfin, pour être témoin de ce miracle. Parce que c'est pour témoigner de lui, que le Christ guérit cet aveugle de naissance. C'est pour faire de lui une lumière dans ce monde que le Christ illumine ses yeux morts en lui redonnant la vie. Mais à l'image de ce juste dont nous parlions au début de ce message et dont la lumière doit grandir en lui, cet homme, tout comme nous, est appelé à lui aussi à grandir dans sa compréhension, dans sa vision du Christ. Alors, au début, rappelez-vous, lorsque on l'interroge sur l'identité de celui qui lui a ouvert les yeux, il dit ce qu'il sait. Ben, on l'a lu. Jésus, c'est un homme. un témoignage à la hauteur de sa compréhension. Verset 11, l'homme appelé Jésus, c'est tout ce qu'il sait. Plus loin, au verset 17, lorsque, toujours à la même question, on lui pose cette même question, il progresse. Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? C'est un prophète. Mais qui est véritablement Jésus? Un homme? Un guérisseur? Un beau parleur? Un rabbi parmi les rabbis? Un prophète? Et en l'absence du Christ, parce que l'essentiel de ce miracle, il est là. Dans l'absence du Christ, depuis plus de 2000 ans, c'est le débat qui nourrit les pensées de tous les humains et des disciples que nous sommes. Qui est vraiment Jésus? Il y a tellement d'approximations dans ce que nous avons vu du Christ, dans ce que nous savons du Christ, dans ce que nous disons du Christ. Il y a pourtant tellement de gloire cachée en lui, tellement de profondeur insoupçonnée. Il y a en Christ tout le trésor de la sagesse de Dieu, trésor de bonté et d'amour. Mais en même temps, il y a tellement de faiblesse dans notre témoignage, tellement de bégaiement dans nos paroles sur lui. Et si nous sommes appelés à être une lumière dans ce monde, je crains que bien souvent nous ne soyons pas aussi lumineux que ce que nous pensons. Notre plus grand besoin, je le crois, c'est d'être guéri de notre cécité, guéri de ce que nous pensons avoir vu du Christ comme quelque chose de définitif, guéri aussi de la manière dont nous nous regardons les uns les autres. Nous avons besoin d'un regard réparé, transformé, pour voir le Christ d'une toute autre manière. Nos yeux sont malades. Nous avons besoin du renouvellement de cette onction guérissante sur les yeux de nos cœurs. Nous avons besoin d'un collyre sur nos yeux, de venir et de revenir sans cesse à ces eaux de Siloé, à celui qui est la source de notre salut, de notre santé intérieure. Nous avons besoin de voir le Christ. Oui, bien sûr, pour être ses témoins des lumières bien vacillantes et imparfaites. Oui, c'est vrai. Mais nous avons surtout besoin de voir le Christ pour l'adorer, pour nous prosterner devant lui comme l'a fait l'aveugle à la fin de l'histoire. Et tout comme l'a fait Jacob en achevant sa course, en adorant Dieu appuyé sur l'extrémité de son bâton. Alors tout comme cet aveugle de naissance, Jésus nous voit ce matin. Jésus me voit, Jésus te voit ce matin, arrêté sur le bord du chemin. Même si personne ne semble te voir, lui, il te voit. Il aimerait que tu le vois pour la toute première fois, comme celui qui te sauve. Et si tu l'as déjà rencontré, il aimerait renouveler et guérir ton regard sur lui. Il aimerait le rafraîchir, il aimerait toucher tes yeux pour que tu le vois tel qu'il est, d'une manière toute nouvelle, pour que tu puisses à ton tour l'adorer. Je ne sais pas comment le Christ s'y est pris, je ne saurais expliquer son amour, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Amen.